C'est fou! 89. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières! C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au palmarès, c'est fou pour la semaine du 17 au 23 octobre 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oui, on commence avec un petit peu de retard aujourd'hui, à peine. Juste un petit peu. Le temps de ramasser tous les morceaux qui doivent composer cette belle émission qu'on va faire pendant 3 heures avec Top 20 francophone et Top 20 anglophone. Cette semaine, édition spéciale des palmarès, c'est fou parce que pour la première fois, un mardi en direct, il ne fait pas beau. Non, c'est vrai. Du tout. Donc, on peut dire au revoir à l'été aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire pendant toute l'émission avec des spéciaux de Palmarès in Peace. On va résumer tout ce qui nous a quittés dans les palmarès depuis le mois de mars dernier. Quelle tristesse. Oui, plein, plein de bonnes choses. Donc, 3 blocs qu'on va faire d'ici la fin de l'émission. On va y aller avec un par heure, bien sûr. On va aussi savoir d'ici la fin de l'émission, c'est le numéro 1 anglophone et toujours The Pack 80 avec Yes, I Know. Et du côté francophone, on va essayer de savoir, en fait, si c'est toujours samedi soir à la violence de Claude Pelgag. Bonne question, mais on va commencer avec des nouvelles entrées. Donc, il y en a 5 en tout. Plus tard, on entendra du côté anglophone Bear Mountain et Lisa Leblanc. Du côté francophone, on va entendre Lydia Kipinski, La Féline et Elle me tue. Oui, commençons par les 20e places en anglophone. Lisa Leblanc et son nouvel album Why You Wanna Leave, Runaway Queen et la pièce Ace of Spades. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Lydia Kipinski avec Apprendre à mentir. On découvre ça tout de suite au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Mmh. Je pourrais te dire de potentiel. position. Nouvelle entrée. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. We'll be right back. Nouvelle entrée. Entrée. Thank you. rare qu'on fait ça, mais on vient de faire un bloc de 5 pièces. On vient de terminer avec la position numéro 18 francophone. Du côté, du côté francophone, la 18e, c'était Trophée de la Féline. La Féline. Et voilà. Ouais. Avant ça, on a entendu en position numéro 19 anglophone, Bear Mountain avec Hopeful. Nouvelle entrée, donc, de Bear Mountain, qui est un groupe qui existe depuis 2011. Ça vient de Vancouver, en Colombie-Britannique. C'est super bon. Oui, ouais. oui, on aime bien. Avant ça, on a entendu la 19e francophone qui était Elle me tue avec Tous les chemins mènent à Rome. On le sait, hein? C'est qui chantait ça aussi d'autre? Je sais tous pas. Je me souviens pas. Mais il y a quelqu'un qui disait ça, que Tous les chemins mènent à Rome. Ouais, ben, c'était pas seulement mes parents. Avant ça, en 20e place, on a entendu Lisa Leblanc avec Ace of Spades sur l'album Why You Wanna Leave Runaway Queen. Évidemment, un cover d'une pièce bien connue de Lisa Leblanc qui va être en spectacle à Shawinigan le 5 novembre prochain. Son nouvel album qui vient tout juste de sortir. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Lydia Kepinski avec Apprendre à mentir. Lydia Kepinski qui le dit elle-même, elle fait de la chanson française pop quand elle s'amuse. Elle fait de la chanson française progressive quand elle a des sautes d'humeur. Et elle fait du jazz quand elle se force et elle rappe quand elle boit. Voilà. Oh, comme c'est détaillé tout ça. Oui, je sais, hein, le reste du temps, elle dessine apparemment. Ouais. Voilà, donc pour le bloc de nouvelles entrées, 5 pièces qu'on a entendues et qu'on va réentendre pendant les prochaines semaines, c'est certain. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter par-dessus quelques trucs. Donc en anglophone, on saute les 18, 17 et 16. En 18e, c'est Bad Bad Not Good avec In Your Eyes, qui est là depuis 7 palmarès. En 17e, Blue Spills avec Lady and Gold depuis 6 palmarès. En 16e, oui, c'est Person avec Mr. Howard, qui est là depuis 5 semaines sur l'album Desire's Magic Theater. Du côté francophone, eh bien, on va sauter les 17 et 16e, puisqu'on a entendu la 18e francophone tout à l'heure. Donc on va sauter par-dessus les Ghouls avec Coma, qui est là depuis 6 semaines au palmarès. Et on va aussi sauter par-dessus Fudge avec la pièce Lazare, qui elle aussi est là depuis 6 palmarès. Ce qui veut dire qu'on se rend aux positions numéro 15. Du côté anglophone, ce sera Crystal Castles avec Concrete. Et du côté francophone, ça va être Émile Bilodeau avec J'en ai plein mon casse. Oh, les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Oh oui! J'en ai plein mon casse de l'hiver, de ta mère, des nids de poules, de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casse de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon casse. J'ai bâti ma vie comme on construit des maisons. La cuisine est partie et j'ai botché le salon. Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. La vie va me donner un an, mais je parie que Pikachu serait pas content de savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon. Oh shit. Et j'ai des remords d'en face, parce que aimer ça me fait faire des grimaces comme celles qu'on fait quand on bouffe un citron. Mais je fais pas exprès, je suis peut-être juste un peu con. Ça me prendrait plus de temps et encore plus de rire. Et peut-être bien qu'à 100 ans, je pourrais encore me servir mon café crème ou bien du lait. Et puis je t'aime et s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin, ou bien au moins en attendant le refrain. J'en ai plein mon jazz de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon jazz de la guerre, puis de toutes les autres affaires qu'un artiste doit de dénoncer quand il va chercher son trophée. J'en ai plein mon jazz. Monsieur, pouvez-vous me dire, sans trop être furieux, si j'ai le droit de partir de votre cour d'économie qui me remplit le coco d'ennui? car je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre. Et si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le PIB, je suis sûr qu'il pourrait vous parler du fait que votre réalité est frette. La vie ne se résume pas qu'à l'argent, il y a l'amour et puis le temps. Ah, oh, il y a l'amour et puis le temps. Ah, ah, ah, il y a l'amour et puis le temps. Ah, même si trop souvent j'en ai plein mon casse de l'hiver, de sa mère, des nids et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein mon casse de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon casse. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. C'était Crystal Castles avec Concrete qui descend de la 9e place, donc de 6 positions sur l'album Amnesty. Et du côté francophone, eh bien, on a commencé tout ça avec J'en ai plein mon casse d'Émile Bilodeau, une pièce qui joue quand même beaucoup. Oui. Ouais, c'est ouais, bon. Ouais. Quand même. Les gens, comment on dit ça? Les gens s'identifient et voilà, à cette tune-là. Au fait que des fois, la vie Hein? T'es-tu tanné des fois? On en a plein notre casse. Plein de casse. On est plein de glace. Plein de glace. Tania a un problème ou à la clavicule, c'est ça? Oui, exact. À cause d'une blessure antérieure. Oui. Et maintenant, elle doit se faire opérer. Ouais, et entre-temps, elle s'est fait achaler par un chiro autour du... De ces endroits-là, là, en haut de la poitrine. Là. De la clavicule. De la clavicule, puis les poignets avec de la glace en dessous de son foulard. Ouais. C'est chic. C'est super beau. Chic. Ça gèle en plus. Merci Chasse Galerie pour cette glace. Oui, merci Antoine dans la Chasse Galerie de sauver ma clavicule. Ouais. Ah, on lui dédie ta clavicule. Il faudrait que tu puisses te signer sur la clavicule. Ah, ouais, j'aimerais faire ça quand elle va être réparée. À la place de signe-moi de Chasse. Ça va être signe-moi la clavicule. Malade. Donc, position numéro 14 en anglophone, c'est les Deluxe avec Springtime Devil qui descend de 4 places, 3e semaine de présence. Et du côté francophone, eh bien, ça va être une 3e semaine de présence aussi pour Saratoga avec les fleurs. La semaine dernière, c'était la nouvelle entrée en 20e position. Oui, et comme depuis le début de l'émission et depuis les dernières semaines, on a un petit ping-pong entre le franco et l'anglo. Le franco est très, très calme. L'anglophone fait pas mal plus. Faites attention. Donc, commençons par le calme avec voilà. Saratoga. C'est les palmarès. Si... Ralentis l'allure. Tu brûles à mesure. Tu tournes. Pense, viens faire éclore les silver tongue, the same old thing that I heard sung to me last spring. You're living off a memory of youth, not love, of apathy, misanthropies, a sentiment you provoke in me so well. I won't descend back to your hell. Deluxe avec Speak Time Devil qui descend de 4 places en 14e anglophone. Et du côté francophone, et bien comme je le disais tout à l'heure, c'était Saratoga avec Fleur qui est là depuis 3 semaines maintenant. Ouais. Tantôt les positions numéro 13, Les Sœurs Moulées et Uncoverville River. Mais avant ça, comme on l'a dit en début d'émission, c'est une émission spéciale Palmer Rest in Peace. On va faire 3 gros montages pour se débarrasser des pièces depuis le mois de mars. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle Le gars est en retard. Mais non, voyons, de quoi tu parles? On est occupé, c'est différent, Mathieu. Ça ressemble à ça. Différent. On a 3 blocs différents qui vont comprendre chacun 3 semaines. On se comprend, donc la première partie, c'est la période du 21 mars au 8 mai 2016. Voici Palmer, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis la période du 21 mars au 8 mai 2016. Le magasin des choses utiles. Comment va ton week-end? J'aimerais ça que tu me trouves belle. rappelle qu'il y a des pièces qui ont quitté les palmarès depuis la période du 21 mars au 8 mai 2016. Un premier grand bloc dans l'émission d'aujourd'hui. On a commencé avec les pièces de la période du 21 mars au 10 avril. Donc avec Les Connards à l'orange, le magasin des choses utiles qui a duré 7 semaines. Après ça, on a entendu Hidalg ou IDALG, on se souvient, avec Demi-Serpent qui est resté au palmarès pendant 8 semaines. Mm-hmm, Paupière a passé pas mal plus que 5 heures au palmarès, mais 9 semaines la pièce. Ça s'appelle donc 5 heures. Ellie Cramps et Viens me voir cette nuit au palmarès pendant 8 semaines dans le même bloc. Ensuite, dans la période du 11 au 24 avril 2016, on a entendu Les Amis au Pakistan avec Mumf. Et qui a duré 5 semaines? J'ai buzzé sur Mumf, là. Faut m'excuser. Par la suite, on a entendu Jason Bahada avec Pékin, les amitiés, qui est resté là pendant 7 semaines. The Sheepdogs est allé, je pense, vivre dans un champ, dans une ferme. Oh, ferme. Triste. Avec Back Down, qui a duré 8 semaines. David Bowie a été au palmarès pendant 7 semaines avec This Sympathy, She Was a Whore. Mm-hmm. Daughter s'est fait renier de la famille avec New Ways, qui a duré 7 semaines. King Gizzards and the Lizard Wizard étaient là avec The Bitter Boogie pendant 7 semaines, eux aussi. Savage, on l'a bien aimé, mais à un moment donné, des fois, il faut laisser partir ceux qu'on aime. Avec c'est Adore, vrai. Qui a duré 7 semaines. Et pendant la période finale du montage que tu nous as merveilleusement fait, Mathieu, on a entendu Pandacid avec Voiture de course, qui était là pendant 6 semaines. Midora, une fille et son flanc gauche s'est fait amputer la jambe. Ça a duré 7 semaines. UC Party nous a fait beaucoup danser durant l'été avec Ignorance, qui est resté là pendant 7 semaines. Ensuite, Radical Face a pris la route vers nulle part du tout, The Road to Nowhere, qui a duré 6 semaines. Young Rival, Where It's All Going, pendant 5 semaines au palmarès. Et Minotaurs a trouvé le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel avec Gold Rush Lady, qui a duré 8 semaines. C'était fort, ça. Voilà pour la période donc du 21 mars au 8 mai 2016. Il nous reste deux autres montages plus tard dans l'émission. Il va y avoir celui de la période du 9 mai au 3 juillet et puis finalement celui de la période du 4 juillet au 11 septembre. Il y a un autre bloc d'à peu près de la même dimension que celui qu'on vient d'entendre et un autre qui est pas mal plus grand que ça, celui du milieu de l'été. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. C'est vrai. Donc on va faire ça dans les deuxième et troisième heures de l'émission, mais pour l'instant. On retourne aux positions numéro 13 que j'ai annoncé tantôt, qu'on a joué. Donc en numéro 13 anglophone, ce sera Aquaville River avec The Industry qui descend de deux places. Et du côté francophone, eh bien la semaine dernière, ils étaient à la même position, donc ça reste stable. On va aller écouter les Sœurs Boulay avec La moitié de toi qui dort. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Je sais que tu travailles toujours fort avec ce qui t'a été donné. Tes yeux sont accoutumés au noir. Tu sais nourrir la bouche qui te mord, celle qui t'empêche de parler. Moi, j'essaie de devenir un fort, de prendre le contrôle de mon corps pour essayer de nous réparer. Je sais que t'es déjà rendu plus loin que ta mère avant toi, mais l'avenir ne se fait plus rien qu'en regardant derrière soi. J'imagine que la vie, je sais que c'était déjà compliqué. Mais moi, maman, ce que j'ai appris, c'est que c'est un peu comme ça qu'on guérit. Il n'est jamais trop tard pour essayer. Je sais que c'est fait. us against the world. But now it's me against something so big and abstract that I can't tell what it is. All while you're out there grinding on some poor girl who is backstage at the 6.8 Rock Fest. C'est Anchorvale River et The Industry qui descend de deux places en 13e anglophone sur l'album Away. Et du côté francophone, eh bien, comme je l'ai dit, on a entendu la moitié de Toi qui dors, Dessert Boulé. C'est la fin de la première heure. Il nous en reste deux. Tantôt, on va voir les positions 10 à 6 dans la deuxième heure, ainsi qu'un deuxième montage spécial de Palmer Rest in Peace parce qu'on résume l'été qui maintenant se termine, même si là, nous, en direct, le soleil commence à ressortir. Je trouve que c'est bien timé qu'il pleuve aujourd'hui. Là, il mouille plus, par exemple. On a commencé l'émission en disant qu'il faisait vraiment pas beau. Ouais. Puis là, depuis comme 15 minutes, il fait gros soleil. C'est pour nous faire mentir. On revient dans deux minutes. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89 ans. Boom, boom, hey. Tu vois, je pense qu'on a réussi le défi, le défi de confiance, parce qu'on est vraiment de retour, comme je l'ai juré tout à l'heure. Tania, ton sac de glace est en train de fondre, je pense, hein? Ça fond bien, ça fond bien. Mais ça te fond sur l'épaule, c'est ça la bonne place. Ça fond sur l'épaule, c'est frais, un petit pépère, puis ça fait du bruit, regardez. C'est bizarre, on l'entend, pis c'est même pas le micro magique, je comprends pas. Je sais pas, moi non plus. Ah, mystère! Je fais de la magie! C'est comme le petit gars, t'as-tu vu l'annonce? Ça a tellement pas rapport, mais l'annonce, je pense que c'est Pharmaprix, où la madame a demandé au pharmacien qu'est-ce qu'elle peut prendre parce qu'elle a mal à la tête, elle a des éruptions cutanées, pis tout, pis là, t'as deux petits gars qui crient, pis là, il est comme ah! On est des mamies! J'imagine qu'il fallait être là. écoute. Merci pour ta pertinence. Ça fait plaisir. Cool, j'ai bien hâte de la voir pour pouvoir rire de ça, madame. Si ma Kiro m'écoute présentement, elle va probablement se dire que là, j'ai mal à la tête. Est-ce que t'as pris des pilules très, très fortes pour te faire parler de même? Position numéro 1, j'ai oublié de dire tantôt, en fin de première heure, c'est là qu'on l'aurait fait d'habitude, qu'on sautait par-dessus les 12 et 11. Oui. Donc, en anglophone, la 12e, c'est Japanese Girls avec Bully For You qui descend de 10 places. Et 11e, c'est Creef avec Mississippi qui monte de 4. Et du côté francophone, eh bien, c'est Loup-Garou avec Podcast qui descend en 12e position la semaine dernière. Elle était en 4e place. Et en 11e, c'est Mauve avec Longtemps qui, la semaine dernière, était en 5e place. Et là, cette semaine, c'est en 11e. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on est rendu dans les 10e position. Oui. Donc, en anglophone, ce sera Royal Canoe avec une pièce de l'album Nevada qui se nomme Somersault. Ça descend de 7 places. Du côté francophone, eh bien, ça reste stable depuis la semaine dernière. C'est la bronze avec Manger nos cœurs, feat Hologram. Oh, oh, pas mal, c'est fou! Au 89 FM. Ta glace encore. On dirait vraiment pas. On dirait une autre sorte de son. C'est Manger nos cœurs, manger nos cœurs, ils repousseront à l'infini. Prenez tout ce que je suis et ensemble on pourrait vivre. I said Bloc de 4 pièces qui se termine avec Tunes et Mind Over Matter qui descend d'une place en 9e anglophone. Du côté francophone, eh bien, on a entendu la même chose qu'à la même position de la semaine dernière, c'est-à-dire La Nuit Tombée d'Adrienne Solman. Et juste avant, les 10e places en anglophone, Royal Canoe et Somersault qui descend de 7 places. Et du côté francophone, eh bien, c'était La Bronze avec Manger nos cœurs, feat Hologram. Et voilà, pour ces positions numéro 10 et 8 et 9, oui, 10 et 9, on commence pas l'heure en sautant des affaires. Non. C'est plus tard, ça. Nous voilà justement arrivés à ces 8e places, donc en anglophone, ce sera Croy avec River sur l'album Scavenger, et ça monte de la 16e place à la 8e. Du côté francophone, eh bien, on monte de 4 positions cette semaine, c'est L'Amour le jour de Le Couleur. Ouais, et ça commence tout de suite dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Yeah. écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. 89. River, ça monte de 8 places sur l'album Scavenger. Et du côté francophone, c'était Le Couleur avec L'Amour le jour. Quel excellent beat sur lequel parler, ça. Je sais, hein. Incroyable. Du côté anglophone, on s'en va maintenant aux 7e places. Et en anglo, donc, ce sera The Pack 80 avec Yes I Know. C'est lancé numéro 1 de la semaine passée, donc on a un nouveau numéro 1 au sommet cette semaine. C'est vrai. Et du côté francophone, eh bien, ça a fait une montée de 3 positions. 3. Non, 4. 4? Oui, c'est vrai. Oui, c'est exactement. C'est quoi? C'est de 11 à 7, j'avoue. Oui, 4. C'est La Femme avec Où va le monde? Ben oui, crime des mathématiques. Hein? Quoi. Voyons. Où? Pas là pour faire des maths. Quoi. C'est quoi ça va? C'est Palmarès si fou. 89 FM. Les filles et les garçons si cruels, où sont mes vrais amis? Pourquoi

classé numéro 1 du compteur de le fun, maintenant 7e place, Yes I Know par The Pack 80. Et avant ça, on a entendu Où va le monde de la femme qui a monté de 4 positions cette semaine. Tantôt, il va nous rester juste assez de temps pour entendre La Bronze et Tout Broussé en 6e place. Mais oui, avant tout ça, Broussé! Et Tout Broussé! Mais pour l'instant, c'est le moment de retourner à notre petite caractéristique, spécialité particulière d'aujourd'hui. On dit oui. Au revoir à l'été. Oui, oui, je sais, j'ai dit l'été, on est rendu au mois d'octobre, mais c'est quand même ça. Il commence à faire un petit peu moins chaud en ce moment. Un petit peu. Donc, on a dit au revoir à plein de pièces depuis le début de l'été. Tantôt, on a fait la période du 21 mars au 8 mai. Maintenant, ça va être le deuxième bloc. Donc, voici Palmer, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés pour la période du 9 mai au 3 juillet 2016. Au milieu du canage et des fleurs en plastique, y a une levée de fond pour une levée de corps. Tu feras un beau discours sans bras d'honneur à l'amour. Tu détourneras le train d'une chanson sans refrain. L'homme chaque fois que l'on s'endort et que nos danses un peu trop fort, vivre la nuit comme si c'était un rêve où tout est permis. Ah oui! Les temps sont difficiles, la planète se réchauffe et puis chacun fait son possible pour beurrer ses tons. Si tu te mets dans ton fond, si Palmas qui ont quitté les Palmarès pour la période du 9 mai au 3 juillet 2016. On a commencé avec la période du 9 au 22 mai 2016. Oui, on a commencé avec Olivier Bellil et les Tranchées du Pain Blanc qui sont restés au Palmarès pendant 4 semaines. Ensuite, les Revenants sont repartis avec Chercher quelque chose qui a duré 4 semaines. Mordicus a été là pendant 5 semaines avec Ses Nuits Blanches. Les Goules, c'est cool avec Côte de Queer. Côte de Queer, c'est le prochain album de Cœur de Pirates. Oui. Côte de Queer, 6 semaines. Oh mon Dieu. Marie-Ève Roy a resté au palmarès pendant 6 semaines avec Ton Appel, Mathieu, c'était Ton Appel. Très mauvais. Oui, Rouge Pompier passé au feu avec Autobus qui a duré 8 semaines. Laurence Nerbonne avec Montréal XO qui est resté là pendant 4 semaines seulement, mais une pièce qu'on a fait beaucoup rouler. Absolument. Nap Eyes qui allait se coucher avec Roll It qui a duré 7 semaines. Respoon avec Armor pendant 5 semaines est resté au palmarès. Ensuite, c'était la période du 23 mai au 5 juillet 2016. On a débuté avec Emerald et Phare qui a fini par cracher dans un iceberg avec 4 semaines. Oh, Paradis, toi et moi pendant 4 semaines au palmarès. Bolduc tout croche n'est plus avec toi. Oh non. Je pense qu'ils sont séparés. Ça a duré 6 semaines. Bernhardi avec Toujours est resté là pendant 7 semaines. Fred Fortin, je pense, a perdu sa mise. 10$ qui a duré 7 semaines. Sarah Neufold qui est restée là avec The Reach pendant 5 semaines. UC Party est parti dans la mauvaise direction. Heading in the direction of the rising sun. Donc ils sont partis en cendres 2 semaines seulement. Baja Bulotte qui est Bulotte. Je sais pas trop comment. Baja, qui a un petit peu viré folle avec sa pièce Fool qui est restée là pendant 5 semaines. Cage the Elephant est retourné en Afrique, je crois, avec Cry Baby qui a duré 5 semaines. Steve Hill avec la pièce Damn est resté là pendant 7 semaines. Et Library Voices, comme dans une bibliothèque, s'est fait dire chut. Avec Slacker, ça a duré 7 semaines. Pendant la période du 6 juin au 3 juillet, on a entendu... Mathieu Marimé avec Cimetière qui s'est fait enterrer, ça a duré 3 semaines. On a aussi entendu Dead Obies avec la pièce Waiting qui est restée là pendant 7 semaines. Rosie Vallant a perdu la carte avec Nord-Est, ça a duré 6 semaines. La femme a été là avec son petit chat, le Sphinx, qui est resté là pendant 5 semaines. Bermude s'est fait refuser son accès parce qu'elle n'est pas l'âge légal pour entrer dans un cinémascope avec 4 semaines. Black Mountain avec Florian Saucer Attack qui est resté là pendant 5 semaines. Winter Sleep s'est fait conquérir par les Britanniques, je crois. America qui a duré 7 semaines. Savages devait avoir la réponse parce que leur pièce était The Answer qui restait là pendant 4 semaines. 4 semaines. Et 4 semaines. The Dirty Nil s'est enfin trouvé un défaut lors de son entrevue pour un emploi après avoir dit No Weaknesses. Oh, voilà. 4 semaines. C'est tout pour cette deuxième partie. On a fait donc la période du 9 mai au 3 juillet. Le centre de l'été, c'est la plus grosse portion, en fait. Le milieu de l'été, avec on fait 3 palmarès par bloc. Et ces 3 palmarès-là, c'est des palmarès très, très longs dans le milieu de l'été. C'est ce qui se passe souvent. La prochaine fois qu'on va se parler dans la troisième heure, on va faire la troisième partie, la période du 4 juillet au 11 septembre. Et là, ça se calme un petit peu. Et après ça, on finira par revenir dans le présent éventuellement. Mais on a juste assez de temps pour aller entendre les positions numéro 6 de nos palmarès. Donc, en anglophone, il y aura Etou Broussé avec Alaska qui est stable. Et du côté francophone, eh bien, ça va être la bronze avec Roi de nous qui est descendu de 3 positions depuis la semaine dernière. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Les bourgeons crament sur nous. Mon dragon fume-moi trop. On statue que nous sommes la liberté, celle des rues qui redonne envie d'aimer. À Paris, affranchie, je suis la reine. La vie nous fait le rock, les tempêtes qui sourient. C'est la peur qui défroque, se fait harakiri. On reste encore juste un peu, j'ai mes tripes à t'offrir. Ma beauté à te léguer, j'ai mes cheveux à t'en foutre plein la face. Mes utopies à te verser dessus, ma peau des prochains jours à te faire sentir. Faisons de nous une limpide constance qui fluctue dans le spectre du beau. Donne-moi ton corps, je pleurerai dessus en riant. Tout broussé avec Alaska stable en sixième position anglophone. Et avant ça, on a entendu La Bronze avec Roi de nous du côté francophone. Magnifique! Quel beau bloc! Hey, c'était malade. Ouais. C'est la fin de la deuxième heure. Il nous en reste une troisième avec les positions 5 à 1. On va enfin savoir si du côté anglophone, en fait, non, on le saura pas parce qu'on le sait déjà, on l'a appris tantôt. À la position numéro 1 qui est rendue la septième place de Pac Haley avec Yes, I Know. Et du côté francophone, eh bien, on va essayer de savoir si c'est toujours Claude Pelgag avec Samedi soir à la violence. Ça reste à voir. Suspense, on sait pas encore. La troisième heure des palmarès, il faut rester avec nous. Les pas mal assez fou pour la semaine du 17 au 23 octobre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Tania qui a perdu sa glace depuis tantôt. Faut oui, ben, tu sais, elle a fondu. Mais complètement fondu comme dans Jean, il ne reste que de l'eau. Exactement. Donc, c'était plus ou moins adéquat pour la situation. Même dans un Ziploc, c'est bien le fun, là, mais. C'était plus froid, en fait. C'était ouais. Comme rendu chaud. Puis, ça faisait plus du bien. Alors. On s'en est départi, malheureusement. Quelques larmes ont été versées, mais c'est la vie. C'est comme le bulletin météo de ton épaule, de ta clavicule. Donc, oui. À la place de Colette, c'est épaulette. pareil. Donc, troisième heure des Palmarès, c'est fou pour cette semaine du 17 au 23 octobre, comme je viens juste de le dire. Du côté anglophone, la cinquième place, c'est une montée de 15. C'était une nouvelle entrée la semaine passée en 20e place. Opeth avec Will O' The Wisp. Et du côté francophone, eh bien, on va entendre Claude Pelgag avec Samedi soir à la violence. Oh my God, ça veut dire qu'ils seront plus numéro 1. Qui va être numéro 1? Gros suspense, mais pour le moment, on a descendu de 4 positions depuis la semaine dernière. Alors voici Claude Pelgag. J'entends souvent cette voix, celle qui habite en toi. Éclats de rire figés par le froid. Il me blesse maintenant que tu ne te souviens plus comment. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi.

Le roi est mort, vive le roi. La mort est reine, vive la reine. Now! Un autre bloc de 4 pièces pour commencer cette troisième heure. On va entendre Hot Panda avec Bad Pop qui monte de la 13e place en 4e anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de 4 positions avec Au revoir les crapules de We Are Wolves. C'était précédé des 5e places en anglophone, Opeth et Will and Wisp qui monte de 15 places. C'était une nouvelle entrée à se passer en 20e. Et du côté francophone, eh bien, la semaine dernière, c'était eux au top, c'est-à-dire Clo Pelgag avec Samedi soir à la violence, mais cette semaine, ils se retrouvent à la 5e place. On entre dans le top 3. Sachez que plus tard dans l'émission, on va avoir le dernier bloc de Palmer Rest in Peace dans cette édition spéciale où on dit au revoir officiellement à la saison chaude. Oui. Moins froide, mettons, si on veut. Ouais, entre, ouais. Mettons qu'elle s'est étirée pas mal cette saison-là, mais que voulez-vous? Donc, on va faire ça dans les prochains instants après les deuxièmes places tout à l'heure. Mais avant ça, en troisième anglophone, The OCs avec Plastic Plan qui monte de la 7e place. Et du côté francophone, eh bien, Moussette avec Insouciance qui, elle aussi, monte de 4 positions cette semaine. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Sentent le feu. 3. Hypnosis, Plastic Plant, sur l'album Weird Exits. Nous avons de la 7e à la 3e position, Anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Insouciance de Moussette de l'album Insouciance. Ok, oui. Il reste seulement les positions numéro 2 avant de, premièrement, entendre le numéro 1, mais avant ça, il va y avoir le montage Palm Rest in Peace. Oui. Numéro 3 de 3, un petit 6 minutes des pièces de la fin de l'été et du début de l'automne, septembre, dans ces coins-là. Ça va être vraiment cool de se rappeler tous ces souvenirs-là. Mais avant ça, comme j'ai dit, les deuxièmes places en anglophone, c'est celle qui a monté de la 19e. Oh. On se rappelle d'elle comme nouvelle entrée la semaine passée, c'est Find You par Charlotte Day Wilson. Et du côté francophone, eh bien, ça a monté de 4 positions depuis la semaine dernière, c'est Ne m'oublie pas de Gasoline. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Je reviendrai. Holiday Wilson et Find You, position numéro 19 de la semaine passée, qui monte donc de 17 pour aller au deuxième rang. Et du côté francophone, eh bien, ça l'a monté de la sixième position de la semaine dernière jusqu'au deuxième rang cette semaine. C'était Gasoline avec Ne m'oublie pas. Ah. Et nous reste seulement les numéros 1 tout à l'heure. On va savoir enfin qu'est-ce que c'est les deux côtés. Mais avant ça, c'est l'heure de notre troisième bloc exclusif pour dire au revoir à l'été, parce que Caroline, c'est fini ce soir-là. Mais ouais, c'est, au revoir à l'été et à l'automne. C'est la fin, c'est il faut se séparer. Il faut se séparer des fois. Donc voici Palmer, rest in peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis la période du 4 juillet au 11 septembre 2016. Et j'abuse pour oublier. BTS qui nous ont quittés depuis la période du 4 juillet au 11 septembre 2016. Donc essentiellement les mois de juillet, août et septembre ont été couverts par ce montage-là. On a commencé par la période du 4 au 30 juillet 2016. C'est Violet P avec Héroïne qui est restée là pendant 5 semaines. Ariel, j'espère, ne fera pas comme toi un jour, s'en aller. À la pièce comme toi de... qui a duré 3 semaines, donc Ariel. Stéréo Total a été là avec Fleur de Hollande pendant 4 semaines. Laura Sauvage est, je crois, tombée enceinte à cause d'un condom défectueux. Oh mon Dieu! Rubber Skin est parti en convalescence 4 semaines. Chip Trick savait pas où aller parce qu'il y avait No Direction Home qui est resté là pendant 6 semaines. Le décompte a atteint le 0 pour Bio Bazaar avec Final Countdown featuring Debbie Tebbs qui a duré 7 semaines. De la période du 1er au 28 août 2016, on a eu... Louis-Philippe Gingras avec Parc à chiens qui est allé déféquer un peu avec La Bronze qui a duré 2 semaines. Seulement, c'est vraiment pas beaucoup, 2 semaines. Non, je sais, hein. Moussette, qui est au palmarès de 7 semaines, a été là, mais un petit peu ailleurs, c'est-à-dire dans ta chambre, qui est restée là pendant 4 semaines. C'est pas grand-chose, là. Anatole, ensuite, s'est fait déconnecter le discolin. Discolin, 7 semaines. Parquet Court, plutôt, est resté là avec Berlin Got Blurry pendant 6 semaines. Hooded Fang, je pense, a perdu la réception cellulaire dans son tunnel avec Tunnel Vision qui a duré 4 semaines. Cowpuncher s'est fait peut-être embrouiller la vision avec Straight Line qui est resté là pendant 3 semaines. Sons a vu la lune arriver ou encore s'est perdu lors de la traduction dans Translate de Sons qui a duré 6 semaines. Pour la période du 29 août au 11 septembre, c'était... Montréal Carnivore qui, je crois, a saigné un peu. Oreilles, qui a duré 3 semaines. Navic Confi a été là, ou vers la mer, ou vers le ciel, on sait pas trop avec 5 semaines. Solids est passé à l'état liquide avec Blank Stare qui a duré 5 semaines. Plants and Animals, No Worries Gonna Find Us qui est resté au palmarès pendant 6 semaines. Et Person s'est fait jeter dehors de son appartement par l'Electric Landlady qui a duré 7 semaines. Voilà, c'est tout pour cette portion de Palmer Rest in Peace. En fait, c'est tout pour les montages de cette semaine. On avait 3, on a couvert l'été au complet à partir du 21 mars. Hein? Oui. Oui, jusqu'au 11 septembre. Ça, c'était du montage, c'était c'est de la job. Gros été. On a essayé de résumer ça le mieux possible pour vous. J'espère que vous avez apprécié un petit peu. À partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou quand ça m'adonnera, quand j'aurai du temps libre, on reviendra dans le présent un petit peu parce que là, on va être en train de rattraper du 12 septembre, oui, à maintenant. C'est vrai. La prochaine fois qu'on se rencontrera. Maintenant, il reste seulement les premières positions et déjà, l'émission est presque terminée. On va à peine avoir le temps de rentrer dans notre temps, mais on a quand même le temps... J'ai dit 3 fois le mot temps. Ouais. De faire des jeux de mots poche. Ah, mon Dieu, ben oui, c'est vrai, c'est le temps des mots, des jeux. Parce que, comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour et les pyramides avaient besoin d'esclaves pour se faire et les esclaves dans le temps étaient noirs. Ouais. Fait que c'est le groupe chocolat. Ouais, je sais, c'est un petit peu inapproprié. Ouais. Comme, ouais, ça marche pas en tout. Je m'en ai quasiment de dire. Refais pas ça. Mathieu, hein, non. C'est là, terrain glissant. Oui, absolument. T'allais me dire lololo. Lololo. Fais pas ce jeu de mots, lololo. Lololo. Hein? Comment on dit? Au lac Saint-Jean. Ouais, c'est ça, ce sera un jeu de mots que t'expliqueras plus tard. Tu sais, pendant qu'on va perdre le fil de tous ces jeux de mots-là, parce qu'il y a tellement d'affaires à faire en même temps. Tout le monde est sur son sel ou en train de checker Facebook pendant qu'il écoute l'émission, puis il écoute même pas mes savoureux jeux de mots. Oui, je sais. Sont distraits à autre chose. Ou encore sont en voyage, peut-être sont-ils partis à Hawaï. Ah, peut-être. Peut-être en Antarctique, peut-être au Groenland. Ah, peut-être. Ou n'importe quel endroit qui est plus large que leur petit 2-3,5 à Trois-Rivières City. Ils ont besoin de plus large d'espace. Mes jumeaux étaient plates aujourd'hui, mais tu peux les raconter. Non, mais c'est correct, c'était court, c'était rapide et ça allait droit au but. Ouais. Je me souviens plus, c'est quoi vraiment ton call sur la construction des pyramides, à part l'effet que c'était vraiment très raciste. Ouais. Donc, c'est pas raciste, c'était un fait. Tout à fait. Okay. De dire qu'il y a eu de l'esclavage n'est pas raciste en soi. Non. Je suis d'accord avec toi. Alors, de ce côté-là, c'est... de la misère, hein? Oui, je sais. C'est la pièce Les Pyramides de l'artiste Chocolat, d'où Mathieu parlait des abdominaux, des racistes. Ouais. J'ai absolument aucune racistes, idée. Des esclaves. Voyons, ça va pas bien. J'ai aucune idée de quelle couleur étaient les esclaves lors des pyramides. J'ai aucune idée. Ben, c'était en temps normal des Égyptiens, donc... Pour foncer, mais pas complètement... Oui, exactement. Peau foncée quand même, basané, voilà. Et ce mot de jeu poche, là, c'est parce que l'album était rencontré, là. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? J'ai aucune idée. Je sais pas non plus, ça doit être pour là. C'est probablement Loulou, en fait, qu'il faut prononcer, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de jeu de mots avec Loulou. Ah, tu vois, Loulou, ça doit être une fille. Ça. Probablement, mais tu sais, je voulais pas faire de jeu de mots avec le magazine Loulou. Ouais, c'est je sais. Les gens sont sur leur téléphone cellulaire, ils font n'importe quoi en même temps de nous écouter parce qu'ils sont distraits, plein de distractions autour d'eux parce que l'album l'album, le nom en fait, la pièce du côté anglophone, c'est Distractions du groupe Groenland. Alors peut-être ils vont aller à Haïti, peut-être ils vont aller au Groenland, en Hawaii, Antarctique. Ouais. Haïti, oui. Bon, en vacances à Haïti. Écoute, c'est hein, où, dans leur petit 2,5 qui est A Wider Space, l'album. Voilà. Voilà. Merci Tania pour ton interprétation de ces jeux de mots. Je suis pas sûre que l'interprétation était bonne. Ouais, elle était meilleure que les jeux de mots, en tout cas. Tu trouves, ok. Ah, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, donc ça veut dire qu'on est rendu aux premières places du côté anglophone. Tu l'as dit, Groenland avec Distractions, mais commençons avec Chocolat. Voici les pyramides dans les palmarès, c'est fou. Fall into position. places de chaque côté pour la semaine du 17 au 23 octobre 2016. On vient d'entendre Groenland et Distraction, Distractions, qui montent de 13 places en première position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, la semaine dernière, ils étaient en deuxième position. Ils ont monté au top cette semaine. C'est Chocolat avec les Pyramides. C'est génial tout ça. Merci d'avoir écouté les Palmarès Sifo. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mardis de 14h à 17h. Après nous, c'est Réanimation à 19h avec du métal et de l'horreur. On repasse les vendredis soirs de 17h à 20h. Après nous, c'est toujours Réanimation ainsi que Matière Noire. Ça va la même chose que le mardi finalement. Et le samedi entre midi et 15h, après nous, c'est toi, Tania Baudin avec En Piste. Oui! Suivez la sortie de secouette à votre gauche. C'est Sifo.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Pour ceux qui aiment les jeux de mots, quelqu'un a perdu sa gourde à la huître hier soir et quelqu'un de répondre parce que le gars disait celui qui me donne des informations qui mèneront à sa recapture. Donc quelqu'un a répondu Pokégourgo. J'ai dit, déteste te reprendre, mais c'est Pokémon Gourde, le jeu de mots. C'est plat de te reprendre, mais c'est Pokémon Gourde. Ouais. Tout ça de même. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée tantôt. C'est la position numéro 11 anglophone. Oui, c'est Mississippi de Creef. À la semaine prochaine. Bye. Pokémon Gourde. Hey boy. What's on the